Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Liberté numérique. Société de l'information. 15 jours sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur 2. Bidouillage. Ça. Ni filtrage, ni censure, nous voulons honnête, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Voilà, donc bonsoir et bienvenue, c'est Random numéro 38, et voilà, et du coup bah, c'est Radio Campus 106.6 FM, parce qu'il faut le dire, et puis voilà. Appelez que... libre des radios. Voilà, donc bah, ce soir on est deux, donc bonsoir DB. Bonsoir et bonsoir Mme Vertigan. Bonsoir. À la technique c'est Vertigan, le live jockey c'est Momo. On lève les bras bien. C'est Random 38, on lève les bras bien. Ok, je vais te laisser annoncer parce que moi j'ai laissé ma feuille dans le petit studio, donc je vais la rechercher vite fait. C'est génial. On rappelle que l'inauguration du nouveau studio, ce sera donc samedi 21 mai. Et comme dirait l'autre, toutes les occasions sont bonnes pour venir picoler à Radio Campus. Donc voilà, et puis le barbecue méchoui de Radio Campus, ce sera le 25 juin. Donc on rappelle, hein, Radio Campus, le meilleur plan picole au nord de Paris. Puisque le plan picole de la semaine prochaine, ça sera quand même le stand GCU du salon Solutions Linux. Au sommaire de cette émission, de cette 38e émission, on aura un petit peu d'actualité locale, parce que on a parlé un petit peu de la préfecture du Nord qui s'est fait piratager, tout ça, donc tous les Damien Bancal de la Terre sont sortis pour nous parler de l'Armageddon numérique, et tout ça. Dans l'actualité du logiciel libre, on rigolera un peu, puisque il y a eu une interview de Linus Torvald chez Linux FR pour les 20 ans du noyau Linux. 20 ans de terreur. Et on parlera un petit peu vite fait d'Oracle qui change son fusil d'épaule par rapport à la communauté logicielle libre. Ils avaient déjà bien retourné leur veste après le fork d'OpenOffice. Là, ils changent leur veste également sur le projet Hudson. Donc on en parlera un petit peu. Côté actualité du milieu hacker, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs là dans mon casque. Ah, il se passe plein de trucs. Je sais pas trop ce qui se passe, bref. Côté actualité du milieu hacker, on parlera un petit peu de la sortie du 15e numéro du magazine électronique underground Rafale, qu'on salue au passage. Non, mais il y a vraiment un son, ou alors c'est moi. C'est toi. C'est fixé, c'est toi. D'accord. C'est pas grave, je sais pas. Non, mais je crois que j'ai un super micro. Rafale, on parlera un petit peu de Rafale, qui publie également l'appel à contribution pour le numéro 16 de son magazine. Donc, il sort le magazine et il publie l'appel à contribution pour le prochain. Dans notre superbe rubrique censure, filtrage, internet et neutralité des réseaux, on parlera vite fait du directeur de la FCC, donc l'autorité de régulation des télécoms aux États-Unis, qui défendra la neutralité du net devant le Congrès américain. On rappellera un petit peu les enjeux de la neutralité du net et de ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique à ce niveau-là. Dans notre rubrique « Notre culture, c'est la vôtre », on parlera d'Adopi. Oui, parce qu'on en est encore à parler d'Adopi, machin, puisque ce feuilleton législatif ridicule et risible n'est pas encore terminé, voyez-vous. Hein, ils n'ont pas encore bien compris en face, et donc nous, on continue à rigoler. Dans la rubrique Le Joyeux Monde de l'InfoSec, on continuera à rigoler avec le PlayStation Network qui lui aussi s'est fait piratager. Vous savez, le PlayStation Network, c'est le truc de la PlayStation 3. Vous savez, la PlayStation 3, c'est le truc qui coûte plus cher que le SMIC de certains pays d'Europe. Ils se sont fait chouraver les données personnelles de 75 millions de personnes et qui se baladent dans la nature. Donc voilà, on verra un petit peu. Ça a été le feuilleton de la semaine aussi, donc on épluchera un petit peu ce feuilleton-là pour vous. Et puis enfin, dans notre rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on reparlera du Minitello Show, hein, elle continue, nous on continue aussi. Et puis on parlera également du naufrage du Conseil National du Numérique, qui a été installé par Nicolas Sarkozy en personne, avec un joyeux bordel et joyeux foutage de gueule surtout du président de la République lors de son discours et puis de toute cette connerie d'installation du Conseil National du Numérique et de tout le bullshit qu'ils veulent nous faire avaler avec cette énième structure débile destinée à nous faire avaler le concept d'Internet civilisé, d'Internet sain, d'Internet propre. Et surtout pas d'Internet neutre, ni d'Internet libre, ni d'Internet ouvert. Et puis on reparlera un petit peu de Julian Assange, qui s'est un petit peu énervé dans les colonnes de Russia Today, concernant Facebook et MySpace et tous ces trucs de merde, dont on a déjà pas mal parlé dans Random, et ça fait pas de bien un petit rappel, ça fait pas jamais de mal un petit rappel. Et puis on finira par un agenda qui est encore chargé, parce que voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau hacker en France. Et voilà. Je propose de commencer tout de suite. C'est parti. Donc l'article là, sur la préfecture du Nord qui ne répond plus sur le net. Donc c'est la préfecture du Nord, c'est je donne l'adresse, hein, c'est www.nord-pref.gouv.fr, qui ne répond plus depuis. Alors c'était le fin avril. La date exacte, je sais pas. Plus trop. Donc il y a un petit article dans le 20 minutes notamment, qui est un peu très court vraiment pour signaler l'affaire sans rentrer dans les détails, qui fait une analogie en plus avec le cas de Sony dont on a parlé tout à l'heure, qui datait de 3 semaines avant. Alors, on voit pas trop pourquoi. Donc à savoir que le site répond toujours pas depuis. Donc ça commence à... Ouais, le RSSI de la... Ça rame un peu, là. Ouais, voilà. Il y a un lag. Il doit y avoir la Adopi qui est peut-être passée par là, ou... Je sais pas. En tout cas, il y a un RSSI qui... on devrait faire une chronique sur les RSSI qui s'en prennent plein la gueule. Mm. Oh, RSSI, oui. On rappelle, responsable sécurité informatique. Dans une entreprise, vous avez le ou la DRH. C'est celui ou celle qui vous annonce comment et pourquoi vous êtes viré, et souvent en vous parlant des actionnaires qui ne sont pas assez payés. Bon ben, le RSSI ou la RSSI, dans une entreprise, c'est celui ou celle qui est chargé de vous expliquer, d'expliquer à la presse, et donc par voie de conséquence d'expliquer au public, comment et pourquoi ils se sont fait pirater et vos données personnelles se baladent dans la nature. Et ben là, c'est exactement ça. Mmh. Donc là, on a bien entendu l'analyse de Damien Bancal, tout ça, qui nous explique, oh, mais oui, c'est l'Armageddon numérique, machin. C'est marrant, il n'y en a jamais un qui parle de l'incompétence des services de sécurité informatique, de ces infrastructures-là et de ces structures-là. Mmh. C'est rigolo. Enfin là, vu le délai, je me demande s'il a reçu le ticket d'intervention. Là, c'est quand même... Ouais, sachant que, attention, c'est mais s'il veut, on a une petite machine là qui, en attendant, juste ouais. Au moins qu'ils mettent une petite page service serveur Sun, première main. Non, mais je sais pas, il y a toujours en fait l'erreur 403 Forbidden, accès non autorisé. Je sais pas, ils pourraient mettre un petit message en ce moment, on rame, c'est... on est dans la merde. Mais... Ou une petite sorry page disant oui, désolé, oui, voilà, désolé, ça pas marche, non. Là, non. Sachant que c'est le site web de la préfecture, quand même. Mm. Je veux dire, normalement, on doit pouvoir faire des démarches en plus sur le site de la mais préfecture. Mais ils savent peut-être plus physiquement quel serveur c'est. Oh oui, non, mais on a tellement de serveurs, voilà. Les gars. Mais... Oh là là, franchement. Donc, okay. la préfecture du Nord, on garde. Hein. Donc, si vous cherchez un emploi dans la sécurité informatique ou même dans l'administration système... Ouais, c'est le moment, là. C'est le moment, là. Vous pouvez envoyer vos CV à la préfecture du Nord. Bah, alors, pas sur leur boîte mail, parce que ça aussi, ça doit être HS. Il faut y aller directement, je pense. Non, on est méchant, mais bon. Non, mais si on rappelle... Ah oui, puis alors, pour postuler à la préfecture, tout ça, rappelez-vous... Si vous n'avez pas de papier, n'envoyez pas, parce que sinon, il risque d'y avoir quelques CRS chez vous. Faut pas le faire. Enfin, ils sont un peu susceptibles quand même à la préfecture, ils sont incompétents, mais susceptibles, voyez-vous. Non, mais faut ses papiers, quoi. Faut vos papiers, ouais. Ouais, donc ben voilà, petite rigolade, la préfecture du Nord quand même, hein, voilà quoi. Et rigolez pas, les autres préfets et les autres préfectures, ça peut vous... Ça arrive. Voilà. Shit happens. Ça peut vous arriver aussi, vous inquiétez pas. D'accord. Ça arrive même au meilleur, hein. C'est ce qu'ils se disent chez Sony en ce moment. Actu du logiciel libre. Ouais, y a une petite interview sur NixFR de Linus Torvald à l'occasion des 20 ans de l'anniversaire du noyau. Car rappelons, si le besoin est, que Linux n'est qu'un noyau. Et c'est pas péjoratif. Tu ne dois pas dire GNU Linux. Faudrait qu'on en fasse un jingle. Ouais. Faudrait qu'on demande l'autorisation à l'école des GNU de faire des jingles avec l'interview de Richard Stallman. Puisque vous savez que vous avez sur le podcast de l'école des GNU une superbe interview de Mr. Richard Stallman himself. Mm. Qui a été faite dans le petit studio. Juste derrière. Voilà, donc petite interview sympa où ils reviennent sur des choses de base, hein, qu'on a déjà entendues. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de ce monsieur. Notamment sur les raisons du passage à la GPL. Voilà, où il dit que c'est vraiment plus pour raisons pratiques qu'éthiques. Donc, c'est le caractère de Linus. Par rapport à Richard, hein, si on peut les comparer, où il y en a un qui est vraiment plus dans l'éthique et l'autre qui est dans la technique. Il y en a un qui est gros et chauve, l'autre il est gros et barbu. J'ai plus qu'à grossir, comme ça on pourra faire des caricatures de... Pardon, désolé. Ouais, voilà. Je t'emmerde. Donc il y a une petite question qui j'ai trouvé sympa, c'était la... En fait, une question par rapport au taux de pénétration sur les ordinateurs privés, type desktop, par rapport aux serveurs, les serveurs ont largement... Internet tourne quasiment maintenant beaucoup sous Linux. Il y a énormément de nos services quotidiens qui sont servis sur des serveurs qui tournent par Linux. Et alors que les desktops ont beaucoup moins de succès auprès du grand public, et elle explique un petit peu la complexité du desktop par rapport au serveur, où déjà il dit que le serveur il a en général une seule chose à faire, une chose basique, et que c'est pas très complexe, et donc ça va bien, et qu'il y a un gros côté sentimental au desktop par le grand public. Donc ils ont été éduqués un petit peu, on voit bien dans les universités où Microsoft offre des licences, facilite, etc. pour qu'on éduque nos enfants, même dans l'éducation nationale, facilite en fait les acquisitions de licences, pour toujours éduquer les enfants sous l'OS à la fenêtre, et histoire que quand ils seront grands, en fait, ils ont tellement d'habitude et tellement de... ils resteront... au chaud, quoi, on va dire. Est-ce qu'on peut parler d'aliénation de l'homme par l'homme? Ouais, L'humain par l'humain, d'ailleurs. Linus Torvald évoque le syndrome de Stockholm quasiment, carrément, en parlant de, on s'attache à nos tortionnaires, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, quasiment. C'est, bon, ça. C'est un thème en plus que c'est très bien que tu puisses me brancher là-dessus, puisque je vais en parler après de l'aliénation de l'humain par l'humain pour parler de Sony et de ses pratiques. Très bien. Donc voilà un petit article sympa pour ceux que ça intéresse. On vous donnera le lien parce que là je l'ai plus. C'est sur LinuxFR. Ouais, LinuxFR. Donc voilà. T'as le numéro de la dépêche, machin. On va pas donner un numéro de dépêche. Non. Non, c'est des années. Un numéro d'abricot, mais pas un numéro de dépêche. Alors, Oracle qui. Non, tu rigoles même pas ma blague. Désolé. Excusez-nous. Hein. Ouais, on enchaîne. Non, mais il fait beau à Lille, alors du coup on se sent pas bien. Voilà. Oracle. Bon, ben, si on rappelle un peu, hein, Oracle, c'est donc l'entreprise qui fait la base de données du même nom, donc un énorme moteur de base de données, tout propriétaire, tout pourri, tout caca. Et le problème, c'est qu'ils font plein de pognon avec leur base de données. Et ils se sont permis de racheter Sun Microsystems. Donc Sun Microsystems, c'est la boîte qui fait les ordinateurs, enfin les microprocesseurs de type Spark. Donc des gros trucs pour des gros serveurs de calcul, des gros serveurs internet, machin, massivement utilisés dans l'industrie quand il y a besoin d'un truc un peu sérieux, un peu péchu. Sun, c'était aussi le système d'exploitation SunOS, renommé Solaris, puis OpenSolaris, dans la version communautaire. Et puis il y avait également StarOffice qui a été libéré plus ou moins sous le terme OpenOffice. Enfin, il y avait eu une histoire, il avait été forqué en fait, ça s'appelait OpenOffice. Donc c'était, enfin c'est la suite bureautique concurrente du truc de Microsoft machin caca. Ouais, donc globalement Sun relativement investi dans le logiciel libre. Surtout depuis que Java était le langage de développement Java avait été plus ou moins libéré, machin. Oui. Et puis il y avait 2-3 autres projets, on va pas dire mineurs, mais quand même secondaires par rapport à OpenSolaris et OpenOffice, notamment Hudson. Hudson, c'est un logiciel pour développeurs qui sert à faire de l'intégration continue. Donc cherchez pas, c'est vraiment un truc technique, machin. C'est quand on développe et qu'on veut faire de l'intégration continue. Et du coup c'est un logiciel professionnel machin, donc c'est pas du tout le même genre que qu'un logiciel vraiment grand public machin, donc c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même impact non plus quand il y a des changements type changement de licence, changement de développeur, changement d'optique, changement ouais, d'optique de développement, direction du développement, etc. Et tout ça c'était fini, Oracle avait racheté Sun il y a quelques mois déjà, on en avait parlé dans Random, et le problème c'est qu'Oracle ils sont vraiment vraiment pas cool, funky avec l'open source et encore moins avec le logiciel libre. Donc ils avaient décidé d'arrêter tout, donc en fait ils avaient arrêté Solaris, donc ça avait forqué sous le nom de Solarium je crois, comme ça. Il y a eu une continuation du développement d'Open Solaris. Il y a eu un fork d'OpenOffice qui s'appelait LibreOffice. C'est d'ailleurs le bordel maintenant puisque Oracle avait décidé finalement de libérer le OpenOffice et la marque OpenOffice et le logo OpenOffice. On se retrouve avec un LibreOffice et un OpenOffice libre, etc. Je crois qu'il y a du boulot pour fusionner les deux codes, du coup. Et là, pareil, Oracle change d'approche sur le projet Hudson. Donc, ils vont libérer également Hudson. Ce qui veut dire qu'Oracle, en fait, est en train de, petit à petit, sous la pression de la communauté, revenir un petit peu sur ses décisions, sur sa fermeture de... Sur toutes ces positions un peu vraiment fermées, machin, pas cool, pas funky. Ils sont en train de revenir dessus sous la pression de la communauté, ce qui veut dire quand même que la communauté du logiciel libre arrive à faire avancer un petit peu les choses dans le bon sens de la marche. Et c'est intéressant de voir que le logiciel libre, même si on n'est pas toujours d'accord avec les positions de machin ou de truc, globalement quand même on arrive à faire avancer des trucs et puis à conserver la communauté arrive à conserver ses projets et à pas se les faire voler ni à se les faire vampiriser par le grand capital et par les grosses sociétés comme ça qui ne cherchent que le profit. Ouais. Après j'espère que c'est pas trop des effets d'annonce où on lâche un petit peu des choses qui sont déjà parce que dans le cas d'OpenOffice, on peut se demander l'intérêt de la chose. Une fois que LibreOffice était en place, je veux dire, pour eux, ils avaient perdu, entre guillemets, quoi. OpenOffice allait être, Ouais, mais c'est quand même chiant, d'un point de vue communication, machin, quand on s'adresse à des personnes qui connaissent et tout. Bon, ça y est, ton pactage, il s'appelle plus OpenOffice, il s'appelle LibreOffice. C'est bon, c'est pas grave. Une fois que tu es au courant, que c'est passé sur LinuxFR, que tout le monde dans la communauté est au courant, c'est bon. Ouais. Par contre, pour le grand public, le public qui réagit quand il voit des affiches OpenOffice, le public qui réagit quand il voit des campagnes type celle de l'April ou celle de Mozilla. Mmh. Imagine si demain on changeait de nom Mozilla, il s'appelle autre chose. Firefox, il s'appelle, j'en sais rien. Icewazzle, ouais. Ouais. Voilà, et ben le grand public est quand même un peu désorienté, machin. Ouais. Donc même si on arrive à conserver le projet, truc, là c'était vraiment juste le nom, la marque et, et le logo, quoi. On parlait que de ça. Le reste, le code derrière, maintenant il s'appelait LibreOffice et c'était pareil. Donc du coup, Oracle, on revient là-dessus, ça aide un peu le logiciel libre quand même. C'est pas non plus. Ça veut pas dire qu'ils vont payer des développeurs et des développeuses pour développer ni Hudson, ni OpenOffice. Oui, non, pas non plus. Non. Bon, voilà. On va pas rigoler non plus. Donc, bref, voilà. Petite pause musicale. Petite pause musicale, allez, allons-y. Allez. Bah, on se retrouve tout de suite. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et tout de suite. À tout de suite. Et gare au poney. L'émission qui parasite. croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Mes ordres à la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénérescence Lille. Regarde par toi-même. Quoi, tout de suite? Oui, tout de suite. Voilà, donc vous êtes sur Random, ça vous l'auriez compris, 106.6 FM, et vous venez d'écouter... alors attendez que j'en un jingle un truc, avec les musiques de Matrix. Ouais, non, ça, voilà. Juste avant, c'était Chango Island par Koopa. Julien? Du tout. Non. Koopa. K-U-P-A. D'accord. Rien à voir avec Julien. Rien à voir. Aucun rapport. Voilà. On n'a pas un jingle sur l'actualité du milieu hacker? Alors, effectivement, maintenant que vous en parlez. Si vraiment... Oh là là là là. Mais bon, c'est un petit peu... C'est pas très dynamique, hein. Ouais, c'est contenu statique, en fait, un peu. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Hacker. Voilà. Ouais, donc, actualité du milieu hacker. Merci, Martigan. Mais de rien. Ce superbe je suis là pour ça. Oui. Je n'avais rien d'autre à faire ce soir, donc il n'y a pas de souci. On pourra faire des photos de toi avec les poneys. Oui. Il y a des super poneys sur la pelouse à côté de bien les poneys en plus. C'est trop bien. On fera les poneys awards. C'est nul. L'actualité du milieu hacker, c'est pas nul du tout par contre. C'est le 15e numéro du magazine électronique underground Rafale. www.rafale.org. RAFALE.org. Ça a été un magazine belge, je crois. C'est bon, mangez-en. Comme d'habitude, électronique décalée, old school, machin, technique d'infiltration, style de vie urbain, lutte urbaine, ouais, j'allais dire guérilla radio, parce que ça me fait vraiment penser à ça, guérilla radio, de la guérilla urbaine et de l'étude et du hacking de tout et n'importe quoi qui se passe par des ondes radio. Et là, il y a toute une série d'articles qui proviennent d'un manuel de l'armée française concernant les communications radio. Donc moi, j'ai lu que le premier article, mais ça concernait en fait un petit peu toutes les... toutes les conventions en fait des communications radio militaires, le fait de dire terminé à vous, etc. Dans quel cadre les utiliser, dans quel cadre pas les utiliser, quelles sont les procédures qu'on applique, etc. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc bref, voilà, c'est un petit numéro, mais avec pas mal de choses un peu. Il y a un truc aussi sur l'art du camouflage. Où ça discute un petit peu les vêtements de camouflage quand on veut faire une opération. Donc typiquement, quand on veut aller, j'en sais rien, faire une soirée beige box, machin, tout ça, quel vêtement mettre, comment, pourquoi, quel équipement embarquer, quel équipement ne pas embarquer, etc. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est toujours décalé, Rafale. C'est toujours un peu inventif, toujours un peu... Aérien, vraiment aux limites. Ouais, non mais si, parce que c'est vraiment toujours underground, toujours la débrouille, et puis en même temps l'idée de tout ce qu'on peut faire individuellement, soi-même, tout seul dans son coin. Comment est-ce qu'on peut être indépendant, autonome, en utilisant la science et la technique à son propre but, dans un but militant, dans un but machin, voilà. Comment est-ce qu'on peut vraiment s'approprier la science et la technique pour de la survie urbaine? Je pense que c'est un terme aussi qui qualifie bien Rafale, en tout cas ce numéro-ci, vraiment la survie urbaine, l'utilisation de la radio pour communiquer. J'ai trouvé ça, enfin, Rafale me plaît, j'aime bien ce magazine. Très peu technique, mais en même temps très décalé et très... Enfin, très peu technique, même pas, parce que... Oui. tout ce qui est ondes radio, etc. Je peux pas dire que c'est pas très peu technique, mais c'est vraiment tout le temps décalé sur de l'électronique, sur quand c'est pas faire des EMP, c'est des dossiers de l'armée française sur les communications radio. Bref, Rafale, www.rafale.org. Et puis, comme d'habitude, à chaque fois qu'il sort un numéro, il sort aussi un appel à contribution pour le numéro suivant. Donc là, il sort le numéro 15, il sort un appel à contribution pour le numéro 16. Petite nouveauté, Rafale innove. Le truc vraiment que Rafale faisait pas jusqu'ici, c'était d'avoir des articles sur la sécurité informatique. Parce que Rafale, d'après ce que j'ai compris, considérait surtout que c'est la sécurité informatique, tout ça, c'est une partie du hacking qui est médiatisée, on retrouve ça un peu partout. Rafale avait son petit côté son petit côté décalé par rapport à tout ce monde-là qui fait vraiment que de la sécurité informatique. Rafale fait tout le reste. Du freaking, des télécoms, du lockpicking, du crochetage de serrure, de la survie en milieu urbain, de la radio, de l'électronique, mais pas de sécurité informatique. Et là, le numéro 16 dans l'appel à contribution, on appelle à ce qui est aussi de la sécurité informatique. À voir ce que ça va donner, je suis sûr que ça peut donner des petits papiers de sécurité informatique décalés dans l'esprit Rafale. Sans être forcément mainstream ou sans être forcément frac. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est toujours plaisir de voir des magazines comme ça qui sortent. Et puis, ça prouve un petit peu que la scène hacking francophone, plus que française, continue à avancer. C'est cool. T'as mis frac dans le mainstream, là ou... J'ai pas mis... Ouais, par rapport au reste des... Non, ouais, tout est relatif. Hein. Ouais, voilà, Einstein c'est ça. Avait raison. C'est... Putain, c'est... Non, mais je vois ta gueule. Non, mais ouais, frac, c'est surtout parce que ça a un côté référence que tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît frac. Quand il y a un magazine qui sort, on le compare forcément à frac. Rafale, on peut pas le comparer à frac parce que trop différent, trop décalé. Moi je trouve que c'est l'intérêt de Frac, quoi. L'intérêt de Rafale. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser. J'ai croisé un bouquin il y a quelques jours au Furet, écrit par un professeur de philosophie qui s'intéresse vachement en technologie et une autre dame qui est professeure également, mais qui est le moins philosophique, plus technique, sur la fracture cryptographique en fait. C'est ça le titre du livre. Et la préface m'a vachement interpellé. Je pense que je vais pas tarder à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et voir si c'est intéressant, parce que ça rejoignait un petit peu ton discours de tout à l'heure. Et faudrait que je m'intéresse à ce truc-là. C'était pour la petite parenthèse. T'as une référence à donner, un nom d'auteur ou quoi? Non, d'auteur non, c'est ces deux personnes là, mais c'est. D'accord. La fracture cryptographique. Ouais, voilà. L'éditeur. J'ai vraiment lu la préface, je l'ai reposée parce que j'étais pressé. Et après coup, je me suis dit tiens, en fait, ce truc-là, faudrait que j'y revienne pour voir un petit peu creuser un peu plus quoi. Ça avait l'air prometteur. Au fait, pour la petite histoire, alors le Furet du Nord, on en parle, c'est un magasin, un grand magasin, une grande librairie, un grand magasin de bouquins qui se trouve sur la Grand Place à Lille. C'est là où on se donne rendez-vous pour le meeting de 1600. Et en fait, le Furet du Nord, ça s'appelle comme ça. Et là, je vais te tuer, quoi. Vas-y. Je vais te casser en deux. Ça s'appelle comme ça parce que c'est un ancien vendeur de fourrure. Ah bon? Et ouais, et tout ouais, bêtement. Mon gars. Et ouais, mon gars. Et ouais. Et c'est trop fort, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est bien mieux rangé que la Fnac. Parce que je sais pas si des fois tu vas chercher un bouquin à la Fnac dans le rayon informatique. Non, non, mais je vais pas à la Fnac tout court. D'accord. Ça résout le problème. Ouais, ouais non, mais non. Censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Allez. Oh. Ouais, mais je suis pas prêt là. Bon, c'est pas grave. Attends, quoique, si. Censure. Filtrage d'internet. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Alors la FCC aux États-Unis, donc l'autorité de régulation des télécoms, et des réseaux tout court aux États-Unis avait au mois de décembre fait un petit dossier avec des préconisations qui allaient dans le sens de la neutralité des réseaux. Alors la neutralité des réseaux, je réexplique vite fait, c'est le fait que les intermédiaires qui possèdent les infrastructures réseau, c'est-à-dire les gens qui possèdent les fibres optiques ou les segments de fibres optiques qui sont parcourus par vos données quand vous faites des trucs sur Internet, quand vous allez, j'en sais rien, écrire des mots d'amour sur le profil Facebook du garçon ou de la fille que vous aimez, et ben, ces données elles passent par des tuyaux, et ces tuyaux ils appartiennent pas tout du long aux mêmes personnes ou aux mêmes entreprises. Si aujourd'hui ou demain il y a un des propriétaires de l'un des segments qui décide ah non mais moi aujourd'hui je route que les paquets des Noirs ou des Arabes ou des Juifs ou voilà, pour quelque raison que ce soit, ou que sur Google ou que sur Facebook voilà, et ben il y a personne qui peut l'en empêcher, c'est son réseau, c'est sa fibre. Sauf que si lui fait ça, ben tous les autres vont le mettre en blacklist ou vont rejeter ses communications, ou vont pas vouloir coopérer avec cet opérateur-là. Et par effet boule de neige, tout le monde va s'engueuler. Donc il y a un principe qui est un peu, on va dire, implicite au sein des communautés de personnes et d'entreprises et d'acteurs du réseau Internet, c'est que personne ne fait le con avec les données des autres, parce que sinon c'est le bordel. Imaginons demain que, j'en sais rien, tel ou tel opérateur, tel ou tel fournisseur d'accès à Internet prenne un contrat avec tel ou tel fournisseur de services culturels, j'en sais rien, tel ou tel label ou telle maison de disques, ou tel ou tel distributeur de musique, et décide qu'il blacklist tous les autres. Autrement dit, vous auriez accès, si vous aviez tel fournisseur d'accès à Internet qui a tel contrat avec tel, j'en sais rien, avec Universal Music par exemple, ben hop, vous auriez plus accès ou ça sera ralenti si vous allez sur iTunes. Ou l'inverse, un fournisseur d'accès Internet qui prend un... Bon, ça, c'est des ruptures claires et nettes avec la neutralité du net. C'est pourtant ce que certains fournisseurs d'accès veulent faire. Notamment par en disant, oh là là, tout le monde va voir YouTube, et puis YouTube, eh ben en fait, ils écoulent plein de trafic, du coup, moi, je dois augmenter la puissance de mes tuyaux, machin, parce que les gens, ils vont voir YouTube, et YouTube, ils payent pas, et en plus, ils engrangent du profit. Et donc, l'idée, c'est de faire payer une taxe à YouTube. Et ça, c'est n'importe quoi, parce que si demain, on fait payer YouTube, moi, j'héberge mon blog perso ou n'importe quoi sur mon propre serveur à moi, qu'est-ce qui va empêcher France Télécom, Free ou je ne sais qui de venir me demander du pognon parce que j'héberge mon site web chez moi. Comme dirait Gad Elmaleh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Tout à fait, voilà, exactement, tout à fait. Ou c'est la porte ouverte à toutes les conneries qu'on a sur le réseau mobile. Mmh. Ouais. Le réseau mobile qui est tout sauf neutre. Vous payez de l'accès à Internet, mais en fait, c'est Internet moins Facebook, moins les mails, moins les trucs, moins les bidules, moins les machins. Puis c'est que du net, quoi. C'est que du web, enfin, en fait. C'est du port 80. Ouais. Forfait web, port 80, filtré. Vous payez un accès qui est filtré, qui est censuré, et qui, en plus, est enregistré. Donc, c'est génial. Et en plus de ça, vous payez plus cher si, selon la destination que vous appelez, c'est-à-dire si vous appelez quelqu'un qui se trouve à côté de vous, mais qui a un opérateur téléphonique différent du vôtre, bah vous payez plus cher, etc., etc. Des coûts qui ne se justifient ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue économique. C'est juste pour faire chier le monde, et pour pousser les gens à être tous clients chez le même opérateur. Pour éviter que ça se passe sur Internet, il y a ce mouvement un petit peu mondial qui cherche à protéger la neutralité du net. Donc la FCC avait fait au mois de décembre des recommandations, et là le directeur de la FCC va donc aller devant le Congrès américain pour défendre cette idée de la neutralité du net, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, un principe un peu implicite, un peu tacite, un accord un peu tacite entre tous les acteurs du net mondial, parce que voilà, qu'un certain nombre d'acteurs sont en train de remettre en cause. On a parlé de Verizon, on parle de, en France, on a le fameux procès entre Google, entre France Télécom et Mega Upload. On a différents exemples comme ça d'entreprises qui remettent en cause la neutralité des réseaux. Et donc, bon ben voilà, c'est un débat qui n'a pas lieu qu'en France, ou qui a lieu un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Il y a des gens qui militent activement contre la neutralité du net pour faire un max de profit, et y a des gens qui militent, y compris dans les institutions, pour la neutralité du net, soit pour des raisons de protection de la vie privée et de d'accès égal, enfin d'égalité d'accès à l'information et à la liberté de circulation de l'information, soit pour des raisons purement politiques et économiques, à savoir que si on commence à mettre à accepter des dérives qui vont à l'encontre de la neutralité du net, ça sera le bordel, ça sera impossible de gérer, et puis d'ailleurs c'est les citoyens et les citoyennes qui trinqueront. Donc voilà, une affaire un peu à suivre du côté américain. Petite pause musicale. Petite pause musicale, allez. Voilà, vous êtes sur Radio Campus en 6.6 et c'est Random 38. A tout de suite. We'll be right back. Random. Machine se rebelle. Comment fonctionnent vos armes? 106,6 MHz. Toutes les infos sont sur lille.dg-sc.org/random. Nous vous parlons en direct de Radio Campus, Lille. Le camp de réfugiés qui a été installé pour séparer les hackers du reste de la population. Lille. On m'a dit que je devais avoir un gilet. T'inquiète pas pour le gilet, c'est pas un problème. Le magazine de la contre-culture actuelle. C'est une découverte incroyable. J'avais encore jamais vu ce type d'installation. Bidouillage, liberté numérique et société de l'information. Je sais pas, ici on voit qu'il y a des marques de... Donc il n'y a pas de doute, c'est bien un truc... Hacker. Mais c'est... C'est pas une arme. Des forces de sécurité lourdement armées sont en train de se déployer dans le... Radio Campus. Personne ne savait vraiment ce qui s'y passait. Bidouillage. Trouvez le monstre. Pas de martingale. Random. L'émission préférée des... M-Tech. Ce sera vite fait. Ce sera fait proprement. Et surtout... Ce sera fait discrètement. Il y a des tas de secrets qui entourent le... Radio Campus. Et voilà, donc là vous venez d'entendre un petit délire jinglesque de ma part, désolé. Et juste avant, c'était pardon, quoi, famille, tout ça. Pardon, famille. Ouais, non, celui-là c'est un délire, il est un petit peu à côté de la plaque, mais bon, voilà. Puis en plus il est long... Ça intéresse pas les gens. Bah, plus c'est long. Par contre, juste avant, c'était un truc relativement sympa. C'était Guru Meditation par Tom Voxom. Tom Voxom, c'est un petit Allemand dont on vous avait parlé lors de la sortie de son album qui a eu lieu il y a 3 semaines à peu près. Donc, à nouveau. Vous le retrouverez facilement sur Da Heard It Records. C'est DHR15. C'est le nom de l'album en fait. C'est la numérotation de l'album. Voilà. Sinon, le nom de l'album, effectivement, c'est Robot. Robot. Tout simplement. Yeah. Bon, on va parler de robots aussi. Voilà. Notre culture, c'est la vôtre. Notre culture, notre culture, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Voilà, et là, t'as pas eu besoin de me le demander. Non, et t'as vu ça, c'est bien. Donc, on disait robot, robot à spam, l'Adopi. Donc, notre fabuleuse Adopi nationale, qui est l'organe d'État dédié à couper la connexion des méchants piratageurs de l'internet mondial qui téléchargent Taxi 3 et 4, que c'est pas bien parce que ça paye pas assez la dernière voiture de sport de... Des gens déjà très riches. Des gens déjà très riches. Eh bien, il y a un problème avec l'Adopi, ça avait été signalé au moment des débats de... et du vote de la loi au niveau parlementaire. Et même avant. Et même avant. C'est que la suspension d'Internet coupe aussi l'accès à la messagerie électronique, donc aux emails, et que les emails, eh bien, ils sont protégés par le secret de... et le droit à la correspondance privée. D'autant plus que de plus en plus d'administrations requièrent un accès à Internet. On parle de Pôle emploi, on parle de la préfecture. Les impôts, un certain nombre de choses comme ça. Donc en fait, ce serait couper Internet, mais pas couper l'accès à ces services-là. Ce qui est un peu compliqué. En fait, carrément. Puisqu'il faudrait couper l'accès à tous les sites web, sauf à quelques-uns. Ce qui veut dire laisser la connexion Internet valide et qui marche, en fait. Mais filtrée. C'est le bordel, parce que suspension d'Internet, oui, mais pas des communications privées. Sinon, on va parler un petit peu après du naufrage du Conseil National du Numérique. Il faut savoir qu'il y a eu un petit couac assez rigolo à analyser. Il y a quelques jours, quand Nicolas Sarkozy a fait un discours pour inaugurer le Conseil National du Numérique. Donc le Conseil National du Numérique, c'est un espèce de truc un peu consultatif, rattaché au ministère des colonies d'Internet, voyez-vous. Et qui va servir à pas grand chose, sauf à ce que certains industriels d'Internet français puissent se faire mousser un petit peu, machin, machin. Et donc Sarkozy a fait un discours où il parle des erreurs de Adopi, machin machin, en disant qu'il était prêt à remettre en cause Adopi 2 et donc à faire une Adopi 3, voire une Adopi 4, si ben les acteurs du web, donc les gens qu'il avait devant lui, ont réalisé son discours, se mobilisaient pour endiguer le phénomène du piratage, machin machin. Donc chouette, tout le monde se dit voilà, c'est chouette, Nicolas Sarkozy, il change un peu son fusil d'épaule, il met en place un Conseil national du numérique où il n'y a pas les lobbies des majors, etc. Et en plus, derrière, il remet en cause Adopi. Sauf que, ben non, en fait, 20 minutes après, l'Elysée a publié un communiqué de presse démentant toute remise à plat de l'Adopi. Donc en fait, c'était bien du bullshit. Juste pour endormir les gens, etc., etc. Tu veux dire que même la base de tout gouvernement, qui est d'un peu de manipuler les masses pour obtenir un peu, même ça, ils le maîtrisent pas. Pourtant, Non, en fait, c'est même plutôt qu'ils le maîtrisent très bien, parce que voilà, il fait, il dit un truc d'un côté, ils disent que les gens veulent entendre d'un côté, et puis de l'autre côté, ils disent que les gens veulent entendre aussi. Ouais, mais bon, là, c'est pas super discret, donc. Ah oui, non, là, c'est clairement, c'est clairement pas discret, mais. Bon, ben voilà, ça a peut-être marché 20 minutes, remarque. Le temps que les gens soient au courant qu'il y avait un autre communiqué de presse dans leur dos. Ah ah. Donc voilà, un petit peu le niveau du foutage de gueule de ce gouvernement et de ce président. Et de son programme. Et de son programme numérique, tout ça, tout ça. Pouf, pouf, pouf. Alors, il n'y a pas de jingle pour cette remarquable séquence de l'émission Random, qui est la rubrique Le Joyeux Monde de l'InfoSec. Donc InfoSec pour informer, InfoSecurity, InfoSec, hein, pour les intimes. Donc le PlayStation Network s'est fait piratager, les données personnelles de 75 millions de personnes sont dans la nature, tout ça, on a tous peur. 75 millions de personnes, pour info, c'est plus que les habitants de la France, en fait. Donc voilà, c'est faut un peu le voir comme ça. Petit retour sur l'histoire de Sony. Sony a sorti la PlayStation 3. Donc la PlayStation 3, c'est techniquement, c'est pas mal. C'est un chouette processeur avec des chouettes technologies dedans. C'est un chouette petit truc, la PS3. Sauf que pour la faire fonctionner correctement, il faut avoir un accès à Internet, passer par le PlayStation machin, là, le PlayStation Network. Et puis, parce qu'on a les mises à jour, on a les jeux, il y a des mises à jour pour les jeux, des extensions pour les jeux. C'est pas une obligation, mais bon, il y a plein de choses, plein d'avantages à le faire. Parce que si on achète un jeu maintenant, ben il faut la mise à jour d'il y a un mois, enfin il faut la mise à jour la plus récente pour le faire marcher, et donc il faut être accès à Internet, et l'accès à Internet vérifie que vous n'avez pas une PlayStation un peu bidouillée. Et c'est là un peu le fond du problème. Au départ, la PlayStation, elle était fournie avec la possibilité d'avoir un Linux un peu bridé dedans. Comme ce Linux un peu bridé a servi à débrider complètement la PlayStation ou à avancer sur le débridage complet de la PlayStation, Sony a coupé cette possibilité-là, ce qui a foutu bien le bordel. Et en fait, il y a quand même des gens qui ont continué à bidouiller dessus, notamment GeoHot, on en avait parlé dans Random il y a quelques mois déjà, parce que ça date de 2010 et tout, c'était il y a quelques temps quand même. Sony a porté plainte, machin, machin, et là, les Anonymous, encore eux, se sont dit, bah tiens, on va aller faire chier Sony, donc ils avaient appelé à ce que à une attaque par saturation sur les serveurs de Sony, c'est-à-dire on se connecte tous comme des gros bourrins et on met à bas l'infrastructure numérique réseau de Sony en surchargeant leur infrastructure de connexion et puis jusqu'à ce que le serveur tombe. Finalement, les Anonymous avaient dit ouais non mais on va arrêter parce que ça pénalise les gens qui jouent donc c'est pas cool. Et là on annonce que ben voilà les données le PlayStation Network s'est fait pirater machin. Alors plutôt que de s'excuser et de dire ben voilà on s'est fait avoir, on est incompétent, on s'excuse et on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, tout ça. Non. Sony, sa première réaction, ça a été de dire c'est les Anonymous, c'est ces méchants activistes, c'est des méchants délinquants, on va leur cramer la tête et leur mettre les passer avec le goudron et les poudres. Les plumes. Et les plumes. Donc, voilà, et tout et tout. Donc, les Anonymous ont publié un communiqué de presse en disant non, c'est pas nous. Le truc c'était for once it's not us ou un truc comme ça, enfin pour une fois c'est pas nous. en expliquant que bah non, c'est pas eux, mais bon, ça ne cache rien, ça ne cache en rien l'incompétence de Sony, qui fait payer une console supra chère. Enfin, je veux dire, juste pour information, hein, le seuil de pauvreté pour un couple en France, c'est un peu plus de 800 euros par mois. On remet ça au prix de sortie de la PlayStation qui était de 600 euros. Ça fait un peu cher quand même pour une console de jeux vidéo, sachant qu'après derrière on en est à 60, 70 euros, 80 euros le jeu. Donc ça fait un peu se foutre de la gueule du monde quand on voit que derrière les données personnelles se font voler et que Sony est pas capable de remettre. Déjà, premièrement, de publier des excuses en bonne et due forme, et deuxièmement, de réparer. Et oui, parce que Sony a mis une semaine à remettre en route son PlayStation Network. Tout ça parce qu'il savait pas d'où venait le problème. Apparemment, ça vient d'une PlayStation bidouillée qui aurait servi de point d'entrée à l'attaque, mais pareil, il n'y a pas de preuve. Par contre, ils auraient, paraît-il, retrouvé un fichier dans lequel il y avait le slogan des Anonymous, donc ils attaquent les Anonymous en disant ça. Ouais, bon. Un peu le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui dit que les caténaires tombés, c'est la faute aux gens à l'épicerie de Tarnac. Ça me fait un peu penser à ça, en fait. On prend un coupable comme ça au hasard et puis on dit voilà, c'est de leur faute, c'est eux les terroristes. C'est rigolo. Donc en attendant, il y a quand même 75 millions de personnes dans le monde qui ont reçu un mail de la part de Sony disant que leur mot de passe c'était dans la nature et que voilà, faudrait changer votre mot de passe machin. Le problème c'est que c'est souvent des mots de passe qui sont utilisés à plusieurs endroits par les mêmes. Enfin, on utilise souvent le même mot de passe. Donc voilà, Sony vient de mettre en péril un petit peu l'intimité de la vie privée de plein de gens dans le monde. Parce que derrière, si on retrouve le mot de passe, ben on retrouve probablement aussi le mot de passe Facebook, le mot de passe machin, le mot de passe truc. Et puis également... Il n'y a pas que les mots de passe, hein. Il y avait aussi certaines adresses physiques. Il y a la totale, bien sûr, parce que voilà. Et les coordonnées bancaires, parce que ben, voilà, on peut acheter des jeux ou des extensions de jeux dans le PlayStation Network. Et ça, c'est un scandale. C'est rigolo de voir, en fait, que premièrement, Sony nous vend une technologie qui est soi-disant facile sans nous dire qu'elle est risquée. Et d'ailleurs, quand ils se font pirater, ils sont incapables de gérer le risque. Deuxièmement, c'est rigolo, mais le GIE carte bancaire, donc les cartes bancaires en France, elles sont gérées par un groupement d'intérêt économique, qui est le GIE carte bancaire, qui nous assure que oui, les cartes bancaires, c'est sécurisé, machin, machin, oui, il n'y a pas de problème, on fait tout ce qu'il faut, machin, machin, et puis on voit des affaires comme ça, où en fait, on a une entreprise privée qui conserve des informations bancaires dans ses bases de données, qui se les fait chouraver, et qui est incapable de réparer le préjudice derrière. Donc voilà, le PlayStation Network, j'allais dire bien fait pour eux. Ne bon, souhaitons pas de mal aux gens. Ouais, non, mais, ne, ouais, non, mais, non, mais voilà. Et puis au passage, un site web qui s'appelle gitbrew.org vient de publier de quoi remettre en marche la fonction OtherOS de la PlayStation 3, donc notamment qui permet de débrider la PlayStation avec toute la documentation qu'il faut pour la faire à nouveau fonctionner sous Linux. Donc voilà, Sony s'est vraiment fait avoir sur tous les plans. Et c'est de sa faute, quoi, tout bêtement. On va pas avoir le temps de finir, donc je vais faire rapidement vite fait l'agenda. L'agenda de l'émission Random numéro 38. Donc nous sommes le... combien ? Le 8 mars. Le 8 mai ? Ah non, on est le 8 mai. Ah oui, c'était un jour férié, l'armistice du 8 mai 45. Ah putain, ouais. Et oui, faut se rappeler que c'est le jour où on a quand même mis une raclée à Adolphe et tout ça. Enfin, Américains. Ouais. Moi, j'y étais pas. Ah, mais moi, j'y étais. Ah ouais, attends. mardi 10 au jeudi 12 mai 2011, il y aura le salon Solutions Linux au CNIT à Paris La Défense. Donc, métro, ligne 1, La Défense et... RER ligne 1 aussi, je crois, RER A, La Défense, machin, donc solutionslinux.fr. Le groupe Dégénérescence Paris y tiendra un stand, Donc vous pourrez aller dire bonjour aux copains parisiens. Et puis, si vous voulez venir tenir le stand avec nous, avec eux, parce que moi je n'y serai pas, vous serez les bienvenus et n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu des gens du groupe pour savoir si vous pouvez venir nous aider. Juste après, donc le 12 mai, on aura du jeudi 12 au dimanche 15 mai, il y aura le Swiss Cyberstorm 3 à Rapperswil en Suisse, swisscyberstorm.com. Du mardi 17 au vendredi 20 mai, donc il y a beaucoup de choses au mois de mai, il y aura le Hack in the Box Security Conference 2011 à Amsterdam. Dimanche 22 mai, donc dans deux semaines, pile poil deux semaines, même heure, même endroit, même radio, ce sera Random numéro 39 sur les ondes de Radio Campus. Mardi 24 et mercredi 25 mai, il y aura le fameux IG8, donc le G8 pas hygiénique, le G8 d'Internet à Paris, donc où ça parlera de censure d'Internet, tout ça, à la demande de Nicolas Sarkozy. Il y aura peut-être des manifs, donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans l'agenda. On verra ce qu'on peut faire de ce côté-là. Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2011, il y aura le Toulouse Hackerspace Factory 2011. Toutes les infos sur thsf.ttlab.org. Vendredi 27 et samedi 28 mai 2011, les rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre, RSSIL, à Maubeuge. C'est les copains de l'association Hackici qui organisent ça. Et www.rssil.org. Et j'ai juste le temps pour vous annoncer également le prochain Meeting 2600 Lille, vendredi 3 juin 2011, Meeting 2600 Lille, rendez-vous comme chaque mois à 19h30 sur la Grand Place devant l'entrée du Furet du Nord. Et ben c'est l'heure de se chouper. Chou Papimento, dans 15 jours, vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM. Et la plus libre des radios. Voilà, salut, bonne soirée. À dans deux semaines.